Chapitre 10. Jésus partit de là et alla dans la région de Judée, puis de l'autre côté du Jourdain. De nouveau, des foules s'assemblèrent près de lui, et il se mit à les enseigner comme il le faisait toujours. Quelques pharisiens s'approchèrent de lui pour lui tendre un piège. Ils lui demandèrent : Notre loi permet-elle à un homme de renvoyer sa femme ? Jésus leur répondit par cette question : Quel commandement Moïse vous a-t-il donné ? Ils dirent : Moïse a permis à un homme d'écrire une lettre de divorce et de renvoyer sa femme. Alors Jésus leur dit : Moïse a écrit ce commandement pour vous parce que vous avez le cœur dur. Mais au commencement, quand Dieu a tout créé, il les fit homme et femme, est-il écrit. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère pour vivre avec sa femme, et les deux deviendront un seul être. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais un seul être. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Quand ils furent dans la maison, les disciples posèrent de nouveau des questions à Jésus sur ce sujet. Il leur dit : Si un homme renvoie sa femme et se marie avec une autre, il commet un adultère contre la première. De même, si une femme se sépare de son mari et se marie avec un autre homme, elle commet un adultère. Des gens amenèrent des enfants à Jésus pour qu'il les touche, mais les disciples leur firent des reproches. Quand Jésus vit cela, il se fâcha et dit à ses disciples : Laissez les enfants venir à moi, ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme eux. Et moi je vous le déclare : celui qui n'accepte pas le royaume de Dieu comme un enfant ne pourra jamais y entrer. Ensuite il prit les enfants dans ses bras, il posa ses mains sur chacun d'eux et les bénit. Comme Jésus se mettait en route, un homme vint en courant, se mit à genoux devant lui et lui demanda : Bon maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle ? Jésus lui dit : Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon à part Dieu seul. Tu connais les commandements : Ne tue pas, ne commets pas d'adultère, ne vole pas. Ne dis pas de mensonge contre quelqu'un, ne prends pas aux autres par tromperie. Respecte ton père et ta mère. L'homme lui répondit : Maître, j'ai obéi à tous ces commandements depuis ma jeunesse. Jésus le regarda avec amour et lui dit : Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as et donne l'argent aux pauvres, alors tu auras des richesses dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais quand l'homme entendit ces paroles, son visage s'assombrit et il s'en alla tout triste, parce qu'il était très riche. Jésus regarda ses disciples qui l'entouraient et leur dit : Qu'il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent très étonnés de ces paroles. Mais Jésus leur dit encore : Mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, mais il est encore plus difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés de ces paroles, et ils se demandèrent les uns aux autres : Mais alors, qui peut être sauvé ? Jésus les regarda et leur dit : C'est quelque chose d'impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Alors Pierre lui dit : Écoute, nous avons tout quitté, nous, et nous t'avons suivi. Jésus lui répondit : Eh bien, je vous le déclare, si quelqu'un quitte sa maison, ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants, ses champs, pour moi et pour la bonne nouvelle, il recevra 100 fois plus dans le temps où nous vivons maintenant, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des champs, avec aussi des persécutions. Et dans le temps qui viendra ensuite, il recevra la vie éternelle. Mais beaucoup, qui sont maintenant les premiers, seront les derniers. Et beaucoup, qui sont maintenant les derniers, seront les premiers. Ils étaient maintenant sur le chemin qui monte à Jérusalem. Jésus marchait devant ses disciples, qui étaient remplis de crainte, et ceux qui les suivaient avaient peur. Jésus prit de nouveau les 12 disciples avec lui, et se mit à leur parler de ce qui devait bientôt lui arriver. Il leur dit, « Écoutez, nous montons à Jérusalem, où le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux maîtres de la loi. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens. Ceux-ci se moqueront de lui, cracheront sur lui, le frapperont à coups de fouet et le mettront à mort. Et, après 3 jours, il reviendra à la vie. » Ensuite, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, vinrent auprès de Jésus. Ils lui disent, « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Jésus leur demande, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondent, « Quand tu seras dans ton règne glorieux, permets-nous de nous asseoir à côté de toi, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. » Mais Jésus leur dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe de douleur que je vais boire, ou recevoir le baptême de souffrance que je vais recevoir ?» Et ils lui répondent, « Nous le pouvons. » Jésus leur dit, « Vous boirez en effet la coupe que je vais boire, et vous recevrez le baptême que je vais recevoir. Mais ce n'est pas à moi de décider qui sera assis à ma droite ou à ma gauche. Ces places sont à ceux pour qui Dieu les a préparées. » Quand les 10 autres disciples entendirent cela, ils s'indignèrent contre Jacques et Jean. Alors Jésus les appela tous et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des peuples les commandent en maîtres, et que les grands personnages leur font sentir leur pouvoir. Mais cela ne se passe pas ainsi parmi vous. Au contraire, si l'un de vous veut être grand, il doit être votre serviteur. Et si l'un de vous veut être le premier, il doit être l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme lui-même n'est pas venu pour se faire servir, mais il est venu pour servir et donner sa vie comme prix pour la libération de beaucoup d'hommes. » Ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus sortit de cette ville avec ses disciples et une grande foule, un aveugle appelé Bartimée, le fils de Timée, était assis au bord du chemin et mendiait. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Beaucoup lui faisaient des reproches et lui disaient de se taire, mais il criait encore plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le !» Ils appelèrent donc l'aveugle et lui dirent, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» Alors il jeta son manteau, sauta sur ses pieds et vint vers Jésus. Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui répondit, « Maître, fais que je voie de nouveau. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a guéri. » Aussitôt il put voir, et il suivait Jésus sur le chemin.